السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم الله جميع، أحييكم جميعا، ومرحبا بكم en cette soirée du lundi 4 Rajab 1429. Ce qui concorde avec le lundi 7 juillet 2008 بإذن عز وجل. Toujours avec l'aqida al-wasitiya, dans le 16e cours bi'idhna azzawajal du deuxième tome. On s'est arrêté bi'idhna azzawajal la fois passée quand on a parlé de l'omniprésence d'Allah azzawajal et que Allah ta'ala était présent avec toutes ses créatures. Et si vous vous rappelez bien, on avait divisé l'omniprésence en deux sortes: l'omniprésence générale et l'omniprésence particulière. Et on a dit que l'omniprésence générale, ça veut dire que Allah Ta'ala est avec tout le monde, est avec toutes ses créatures. Mais il est avec eux en quoi? Avec quoi? Avec son oui, naam, son oui, et sa vue aussi. Allah Azza wa Jalla voit tout ce qui se passe dans ce monde et entend, naam, tout ce qui se passe dans ce monde. Et régit tout ce qui se passe dans ce monde, régit, naam, et bien sûr commande tout ce qui se passe dans ce monde. Mais l'omniprésence particulière, ça veut dire, en plus d'être avec sa créature en l'entendant, en le voyant et en le commandant, Allah Azza wa Jal est aussi avec toi avec son secours, naam, son aide, son assistance. C'est pour cela que l'omniprésence particulière, naam, Allah Azza wa Jalla ne la donne qu'à certains gens, comme les pieux, comme les purs, comme les sincères, l'omniprésence particulière et l'omniprésence générale. Pour terminer, on avait dit aussi que le fait que Allah Azza wa Jalla soit avec toutes ses créatures, qu'il soit avec elles d'une façon générale ou d'une façon particulière, cela ne se contredit pas avec le fait que Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux, établi au-dessus du trône. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de contradiction. Allah Azza wa Jalla peut joindre entre les choses contradictoires. C'est le premier, c'est le dernier. Alors que être le premier et le dernier, c'est contradictoire pour nous. Pour Allah, c'est pas contradictoire. Il est au-dessus du trône et en même temps, il est avec toi. Non, comme il peut être avec moi et avec tout le monde en même temps, ce n'est pas aussi contradictoire. Non. On a expliqué ça, que quand la personne fait la salat, quand elle dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a fait les louanges. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, quand tu dis Rahman Rahim, il dit Atna Aliya Abdi, mon serviteur, yani etna aliya, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est comme à peu près aussi faire les louanges. Donc comment se fait-il qu'il y a des millions de gens qui font la salat et Allah Ta'ala leur parle à tous en même temps, à tous en même temps, subhanallah al-azim. Aujourd'hui, ce qui est très important, inshallah ta'ala, et alhamdulillah, on est toujours dans la aqida. Aujourd'hui, c'est le hadith qui prouve, Le hadith qui prouve quoi? Qui prouve que les croyants verront Allah Azza wa Jal, verront Allah Azza wa Jal demain lorsqu'ils le rencontreront. Lorsqu'ils le rencontreront. Bien sûr, il y a beaucoup de versets qui prouvent cela. Les versets, on les a vus dans le premier tome. Maintenant, on est dans le deuxième tome. On va prouver cette chose, c'est-à-dire qu'on va voir Allah Ta'ala. Et le dars, inshallah Ta'ala, je vais aussi vous rappeler les versets. Je commencerai par dire, que le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on le verra dans ce monde, ou bien on le verra dans l'au-delà. Il faudrait savoir que Ahl Sunna ou Jama'a, les gens du consensus et de la Sunna, contrairement aux gens de la bid'a, disent que aucune personne, aucune créature ne peut voir Allah Ta'ala dans ce monde. Fût-elle un prophète ou un messager. Je répète, aucune créature dans ce monde ne peut voir Allah Azza wa Jal, fût-elle un messager ou un prophète. Souvenez-vous que Moussa, que les autres appellent Moïse, Moussa alayhi salam, a demandé à Allah Ta'ala de le lui faire voir. Et Allah Ta'ala lui a répondu que c'était impossible. Regarde là-bas cette montagne. Je vais me faire voir à elle. Et de choses très dures. Si elle résiste, lorsqu'elle me voit, ça veut dire que tu me verras. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal n'a montré qu'un peu. Comme a dit le messager d'Allah, il a mis comme ça son pouce sur l'auriculaire, sur la phalange. Il a dit, Allah Ta'ala n'a montré de lui que comme ça. Dans un autre hadith, il est dit que Allah Ta'ala a fait seulement un signe de sa main à la montagne. Et la montagne s'est écroulée. La montagne qui est, je veux dire, toi Moussa, qui est en chair, qui a un petit cœur, qui peut-être pèse, je ne sais pas, 100 grammes ou 200 grammes, tu pourras me voir. C'est impossible. Donc, si les messagers et les prophètes ne peuvent pas voir Allah Ta'ala dans ce bas monde, qu'en est-il de ceux qui ne sont ni messagers ni prophètes? Non. D'ailleurs, notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit ta'allamu, apprenez. On apprend quoi? Ta'allamu anna la ahada yara rabbahu, la ahada minkum yara rabbahu wa annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Subhanallah al-azim. Le messager d'Allah nous a dit, apprenez que personne de vous ne verra Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il meure. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Dajjal, que Allah Azza wa Jal nous préserve de ses fitnas, naam, l'antéchrist, le Messie Dajjal, quand il va venir, naam, et il va dire c'est moi Allah. Le messager d'Allah nous a donné quelques signes pour savoir que ce n'est pas lui Allah, à part que c'est écrit sur son front que c'est un kafir et que tout le monde lira, tous les croyants liront cela, même s'ils n'ont jamais été à l'école, et ça c'est une grâce d'Allah, alhamdoulillah. À part ce signe, il y a le deuxième signe, c'est quoi? C'est que l'antéchrist est borgne, et Allah Ta'ala n'est pas borgne. Allah Ta'ala a deux yeux, comme disent Al-Sunnah, deux yeux qui lui conviennent, pas comme nos yeux, car rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Donc il nous a donné un signe comme quoi Allah Ta'ala n'était pas borgne. Comment se fait-il que celui-là dise c'est moi Allah alors qu'il est borgne? Car si c'était vraiment Allah Azza wa Jal, pourquoi il est incapable d'enlever ce défaut qu'il a? Quelqu'un dit c'est moi le Seigneur, c'est moi Allah, et il vient avec un seul œil, ou bien il vient avec une bosse sur le dos, ou bien il vient avec un pied amputé. C'est pas possible. Allah Ta'ala c'est le plus beau. Comment se fait-il? Donc conclusion, c'est quoi? Conclusion, c'est que personne dans cette vie ne verra Allah Ta'ala à part quoi? Je veux dire, pardon, même si cette personne est un messager ou un prophète. Personne ne verra Allah Azza wa Jal dans ce monde. Et c'est pour ça que il y a certaines sectes égarées qui, de nos jours, disent quoi ? Disent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'ils voient Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur parlent et ils l'entendent, etc. Toute personne qui dit comme ça, c'est une personne kafir. Elle est devenue kafir. Car, en fait, elle a vu le shaitan. En fait, elle a vu le shaitan qui est en train de la tromper, la ruser, la duper. Et elle n'a pas vu Allah Azza wa Jal. Ensuite, je voudrais faire une petite remarque, Naam, qui se trouve bien sûr chez Al-Sunnah al-Jama'a. Mais sachez, que Al-Sunnah al-Jama'a disent que dans cette vie, il est possible de voir Allah Azza wa Jal dans le rêve, dans les songes, c'est tout. Dans les songes, il est possible que dans cette vie, quelqu'un voit Allah Azza wa Jal, mais les savants ont dit, ce n'est pas il le voit comme je vois mon père ou là mon grand-père dans le songe. Mais je sentirai quelque chose sur mon cœur. Je sens quelque chose dans mon cœur, que Allah Azza wa Jal, j'ai senti yani, sa présence ou quelque chose comme ça dans le rêve. Et non pas le voir, car personne ne peut le voir. Ni dans le rêve, ni, je veux dire, en vérité, il ne peut le voir ni dans cette vie, yani, soit qu'il soit éveillé, soit qu'il soit dans le rêve. Mais il peut voir dans le rêve avec son cœur. Et quel est le dalil ? Sûrement que les gens de la Sunna se sont basés sur un dalil. Lequel ? Le hadith authentique. Je crois qu'il se trouve dans Muslim, si je me trompe pas. Mais il a été authentifié par Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani dans son livre Sahih Al-Jami' et beaucoup d'autres livres. Qu'est-ce qu'il dit ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé une fois la nuit. Il a demandé le wudu et en même temps il parlait. Il a dit Ra'aytu Rabbi fi ahsani sura. J'ai vu Allah Ta'ala dans sa plus belle image. Il m'a dit Ô Muhammad, sais-tu pourquoi les anges se disputent ? J'ai dit Allahu A'lam. Alors il a mis sa main, la main d'Allah Azza wa Jal, entre mes épaules. Jusqu'à ce que j'ai senti la froideur de ses doigts, Azza wa Jal, entre mes seins. Alors j'ai su tout ce qu'il y avait entre les cieux, entre la terre. Et le hadith est long. Donc le témoin du hadith, c'est quoi? Quand il s'est réveillé, il a dit j'ai vu Allah Azza wa Jal cette nuit dans sa plus belle image. Donc où est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu dans les songes, dans le songe. Naam, c'est ça, madhab al-sunnah al-jama'a. Al-muhim, maintenant on est en train de parler de est-ce qu'on verra Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection ou pas. Al-sunnah al-jama'a disent que on le verra dans le paradis. Et les jahmites et les mu'tazila aussi disent que même dans le paradis on ne verra pas Allah. C'est dommage, subhanallah al-azim. Yani, ils veulent nous priver de la plus parfaite chose, du plus grand, du plus parfait délice. C'est quoi le plus grand, le plus parfait délice? Ce n'est pas seulement de rentrer dans le paradis. Non, il y a plus que cela. C'est quoi? C'est voir Allah Azza wa Jalla. Donc on va dire à ces sectes égarés que Al-Sunnah al-Jama'a verront Allah subhanahu wa ta'ala, le verront dans le paradis. Reste la divergence entre les savants. Est-ce que on verra Allah Azza wa Jal avant la rentrée du paradis aussi, ou bien seulement dans le paradis? Al-Sunnah al-Jama'a disent aussi qu'on le verra aussi, avant de rentrer au paradis. On le verra aussi. Alors, il nous parlera et il nous dira pourquoi vous avez fait telle et telle chose. Ensuite, il demandera de faire venir la balance. Ensuite, c'est là aussi qu'on le verra. Et Al-Sunnah al-Jama'a disent que les kuffars et les munafiqun le verront aussi. Surtout les munafiqun. Dans les kuffars, il y a une grande divergence. Mais surtout les munafiqun, les hypocrites, Al-Sunnah ont dit que les hypocrites verront aussi Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que les hypocrites disaient apparemment la ilaha illallah, faisaient la salat, etc. Donc, ils vont se coller aux croyants le jour de la résurrection. Mais, al-sunnah wa al-jama'a, on dit que la vision des hypocrites à Allah Azza wa Jal ne se délice de joie, de jubilité, subhanallah, tellement ils sont contents. Alors que les munafiqoun, na'am, et les kuffars aussi, s'ils le voient, ils le verront, na'am, une vision de châtiment, na'am, c'est-à-dire que même ils regrettent de le voir et voulaient s'il n'existait pas. Comme ça, ils n'auraient pas les grands châtiments qui les attendent. Na'am. Alors que le croyant est, mashallah, très content de voir Allah. Car il sait qu'il y a le paradis qui l'attend, bi'idna azzawajal. Al-Muhim. Les hypocrites, quand ils verront Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ne se fera pas voir, na'am, de son vrai image. Ils le verront dans une autre image. Car dans Sahih al-Bukhari, il dit que Allah ta'ala qabla. C'est-à-dire que Allah ta'ala viendra, na'am, pas toujours dans la vraie image. Il viendra avec d'autres images. Ensuite, quand il sera seulement avec les croyants, il viendra avec son vraie image, sa plus belle image, bi'idnillahi azza wa jal. Tayyib, le messager d'Allah, donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, innakum satarawna rabbakum. Le messager d'Allah a dit aux compagnons, vous verrez votre Seigneur de vos yeux. Naam. Comme vous voyez la lune quand elle est dans son plein quartier. Ensuite, il a dit, la tudamuna fi ru'yatihi. Il a dit, personne ne pourra vous prendre votre droit de le voir. Il a dit ensuite, fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Et il a dit donc aussi, ne vous laissez pas détourner de la prière du matin, salat sobh, et de celle de l'après-midi, salat al-asr. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Je répète, vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection. Vous verrez le Seigneur le jour de la résurrection. Alors, autant que vous le pouvez, acquittez-vous de la prière du fajr, l'aurore, celle qui est avant le coucher du soleil, et celle de l'asr, avant le coucher du soleil. Naam. Tayyib. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, satarawna rabbakum. Et ceux qui connaissent bien l'arabe savent qu'il y a une différence entre dire tarawna et entre dire satarawna. Quand je dis tarawna, ça veut dire vous verrez. Mais quand je dis satarawna, ça veut dire que yani pour vous assurer, adrebuk, ça veut dire je vais te frapper. Mais si je lui dis ça adrebuk, ça, j'ajoute le ça veut dire sûrement je vais te frapper. Naam, je vais pas, yani, naam, que sûrement je vais te frapper, bidna azza wa jal. C'est ta'kid, tahqiq, tahqiq, naam, tahqiq, oh, c'est ta'kid. Il a dit donc, vous verrez votre Seigneur comme vous verrez. Naam, quand vous verrez la lune. El Ghurab, tu n'as pas écrit toi ça, tu n'as pas écrit quand vous verrez la lune. Naam, je ne sais pas pourquoi tu as sauté cette phrase très importante. Il a dit, quand vous verrez la lune, quand elle sera en son plein quartier. Remarquez avec moi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ici ce qu'on appelle une métaphore. Naam, il a donné un exemple. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois donne comme ça des comparaisons, des exemples aux gens. Pourquoi? Pour que l'idée, naam, pour leur faire arriver, si je puis dire, le message très clair. Naam. Car il y a une grande différence entre par exemple, on parle comme ça et entre on donne des exemples et des comparaisons. Naam. Ça fait yani, mieux comprendre ce qu'on veut dire. Ça fait mieux comprendre ce qu'on veut dire. Ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné, naam, un exemple comme quoi. C'est-à-dire, il a fait une comparaison. Il a dit, vous allez voir Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, comme, naam, vous voyez la lune. n'est pas entre la lune et Allah. Naam, ce n'est pas entre la lune et Allah. Mais c'est entre quoi? Entre la vision et la vision. Comme vous voyez la lune, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des problèmes à voir la lune? Il n'y a pas de problème. La même chose, vous n'aurez pas de problème à voir Allah Azzawajal. Donc la comparaison, c'est vision avec vision. Et ce n'est pas lune avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, comme vous savez. Naam. Il a dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, naam. كلكم ينظر الى القمر مخليا به. Lorsqu'il leur a parlé, il leur a parlé de la lune. Il leur a dit, est-ce que tout le monde peut voir la lune en étant en tête à tête avec elle, avec la lune? Ils lui ont dit oui. Il a dit, fallahu a'zam, Allahu a'zam, hadith hasan. Allah azza wa jalla est plus grand et plus immense. Regardez la lune quand je veux la voir. Naam. Est-ce que j'ai besoin? Naam. Est-ce que j'ai besoin qu'on soit en groupe? C'est pas la peine qu'on se regroupe pour la voir. Pourquoi? La lune, subhanallah al-adim, si vous remarquez, naam, toi tu la vois de chez toi, moi je la vois de chez moi, l'autre il la voit de sa maison, l'autre il la voit de son balcon. C'est pas la peine qu'on aille, par exemple, à la place publique pour pouvoir la voir. On va devant la tour Eiffel, sinon on ne peut pas la voir. Chacun la voit, naam, de son endroit où il est. Il n'a pas besoin de se regrouper. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit, naam, vous n'aurez aucune injustice pour le voir. Naam, car s'il n'était possible de voir Allah Azza wa Jal que dans un seul endroit, ce serait vraiment difficile de le voir. Imaginez, pour voir la lune par exemple seulement, pour voir la lune, il faut seulement aller devant la tour Eiffel. Sinon, on ne peut pas la voir. Donc, qui va voir la lune? Va voir la lune 100 personnes ou bien 200 personnes? Et tout le monde, les millions et les milliards qui veulent voir la lune, comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas. Donc, ici, le messager d'Allah veut te montrer que Allah, subhanahu wa ta'ala, naam, comme tu peux voir la lune où tu es, en étant seul, sans avoir recours à te regrouper avec les gens, il a dit, la tu damuna en arabe, sans vous regrouper, il a dit la même chose pour Allah Azza wa Jal. Vous le verrez sans avoir besoin de vous regrouper. Chacun le verra sans même faire des efforts. Naam, il verra Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a une personne sans que elle ne sera pas en aparté avec Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire en aparté? Tout seul, les deux. Je voulais dire en tête à tête, mais je ne veux pas le dire parce que Allah Ta'ala n'a pas de tête. C'est pour ça que je ne veux pas dire en tête à tête. Mais c'est à peu près ce sens que je veux dire. Toute personne devra et obligatoirement rester avec Allah subhanahu wa ta'ala toute seule pour que Allah Ta'ala lui parle et lui montre ce qu'il a fait, comme péché, etc. Et le messager d'Allah a dit, sans qu'il n'ait besoin d'interprète. Tu es anglais, tu es français, tu es soudanais, tu es arabe, tu es kabyle, Allah Ta'ala te parlera, tu comprendras ce qu'il te dira et tu lui répondras, il comprendra ce que tu dis. Car toutes les langues, c'est Allah Ta'ala qui les a créées. Il a dit dans le Coran, wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil-alamin. Et dans une autre version, lil-alamin. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parmi ces signes, c'est la différence de... Oui. Ensuite, le messager d'Allah a dit que vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous verrez quoi? Comme vous verrez la lune. On a dit que personne n'a de problème pour voir la lune, sauf celui qui est aveugle, bien sûr. Il a dit non seulement quand vous verrez la lune, mais comme vous verrez la lune quand elle est dans son plein quartier, c'est-à-dire le 13, 14 et 15. Subhanallah, de chaque mois arabe, chaque mois de l'Hégire. Si la lune n'était pas dans le 13, 14, 15, elle n'est pas dans le plein quartier, elle est dans le même jour, quelques personnes diront, je n'ai pas pu la voir, elle est tellement mince et je n'ai pas une bonne vue. Mais est-ce que quelqu'un peut dire, maintenant que la lune est dans son plein quartier, un grand ballon, mashallah, et puis il n'y a même pas d'obscurité, tout est blanc. tu peux dire que yani, on n'est pas dans le plein quartier de la Lune ou là, qu'elle n'est pas au-dessus de nous. C'est impossible. Naam. Alors imaginez, maintenant, qu'en est-il de la vision d'Allah Azza wa Jal? Si la Lune, c'est une de ses créatures, on la voit sans problème. Comment se fait-il que le messager d'Allah veut dire vous ne verrez pas son créateur? Naam. Tayyib. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit directement après cela? Remarquez, si vous avez bien remarqué, vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection, comme vous verrez la lune quand elle est dans son plein quartier. Ensuite, est-ce que le messager d'Allah s'est arrêté là? Il a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a dit, si vous pouvez ne pas rater salat al-subh et ne pas rater salat al-isha, salat al-asr, alors faites-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux grands intérêts. Le premier, que si tu veux voir Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux voir Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire des efforts. Naam. Ce n'est pas en dormant seulement et en mangeant et en buvant que tu vas voir Allah Azza wa Jal. Mais il faut faire des choses. C'est quoi ces choses? Vous avez remarqué? La plus importante des choses, c'est quoi? C'est vous devez faire la prière de l'Asr et la prière du Sobh, ne pas les rater. Donc, qu'en est-il maintenant de celui qui ne fait pas la prière du tout et qui prétend que demain, yani, il va voir Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le messager d'Allah t'a dit, si tu veux voir Allah subhanahu wa ta'ala comme tu vois la lune, alors fais des efforts pour faire salat al-subh et faire salat al-asr. Naam, ça veut dire pour faire la salat, salat al-subh et salat al-asr. Pourquoi? Naam, ou bien ce sont deux salats qui sont un peu difficiles. La première, quand on est en train de dormir, naam, c'est difficile, à 4 heures du matin, tu jettes la couverture et tu te lèves pour faire les ablutions, ensuite pour faire la salate. Ce n'est sûrement pas une chose facile pour quelqu'un qui n'est pas sincère. Je vais me lever tout seul dans ma chambre, il n'y a personne qui me voit, les gens ne me voient pas, hein. Quel avantage j'ai? Il faut vraiment que la foi remplisse mon la couverture et de me lever pour faire les ablutions. Ensuite, des fois cette salat subh se trouve dans des moments vraiment difficiles où si tu te lèves tu dis je n'aurai pas le temps de me rendormir car je dois me réveiller encore pour aller travailler, donc ça va pas me suffire pour me rendormir, et si je reste comme ça éveillé c'est difficile aussi, je dois encore rester 1h30 ou bien 2h. Alors certaines personnes disent khalli, donc je vais inshallah ta'ala dormir. Et quand je me réveille, je ferai la salate, même si elle n'est pas en son heure. Mais celui-là, bien sûr, il fait un grand péché. Il fait un grand péché. Et salat al-asr, elle est aussi difficile pour les gens qui reviennent du travail et qui se disent, je vais dormir un peu. Et s'il dort un peu, naam, ce sera très difficile pour lui pour se réveiller et faire salat al-asr. Naam, c'est très difficile. Tayyib. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, dans le verset où il est dit Hafidu ala salawati wa salati al-wusta. Il y a un verset dans sa sourate al-Baqara où Allah Ta'ala a dit Hafidu. Hafidu, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça en français, Hafidu, c'est-à-dire, yani, essayez de ne pas laisser passer. Essayez de ne pas laisser. Hafidu, naam, ala salawat. Essayez de faire les salats à l'heure. À l'heure. Ensuite, il a dit les salats ou salat wusta. Ensuite, il a dit et la salate du milieu. La salate du milieu. Aïcha, quand elle disait le Coran, radiallahu ta'ala anha, elle disait la salate du milieu, c'est salat al-asr. Il y a même un verset. Il y a même un verset, naam. Une version, une lecture comme ça, où il est dit Hafidu al-salawati ou salat al-wusta, salat al-asr. Comme ça. Naam. authentique de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc Salat al-Asr, c'est l'une des salats les plus importantes des cinq salawat. Elle est aussi, comme j'ai dit, Salat al-Subh. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Il a dit: Man salla al-bardain dakhala al-jannah. Al-bardain, c'est quoi? Salat al-Subh et Salat al-Asr. Le messager d'Allah a dit: Quiconque fait la prière de Salat al-Asr et Salat al-Subh en leur temps, il rentrera au paradis. Pourquoi il a cité ces deux salats? Parce que ce sont les deux salats les plus importantes. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit: Naam, man fatatuhu al-asr habita 'amalu. Dans un hadith authentique, le messager d'Allah a dit que quiconque, naam, si jamais il laisse passer le asr jusqu'à ce que Salat al-Maghrib rentre, alors celui-là, ses actions sont vaines, ses actions descendent, ses actions sont vaines. Alors, quelles sont les actions qui sont vaines? Ibn al-Qayyim rahimahullah a essayé de chercher un vain. Celle de la journée où il n'a pas fait Salat al-Asr, toutes les actions vont être vaines et nulles, ou bien il veut dire les actions de toute sa vie. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme salat, comme sadaqa, comme tout, ça va s'annuler. Donc, le hadith n'a pas montré exactement qu'est-ce qui va s'annuler. Mais, si on prenait que, c'est le jour seulement. Imagine que, si un jour tu ne fais pas salat al-asr sans raison, jusqu'à salat al-maghrib, tout ce que tu as fait dans cette journée est annulé. Salat al-subh est annulé, al-dhahr, maghrib, isha. Si tu as fait l'aumône, si tu as dit subhanallah, si tu as dit alhamdoulilah, si tu as jeûné, tout ça ne compte pas. Est-ce que ça serait pas grave si c'était seulement un jour? Ça serait vraiment grave, très grave même. Subhanallah al-azim. Naam. Donc, salat al-asr, c'est vraiment une salat importante, très importante. Naam. Et laissez-moi vous dire que salat al-asr, naam, a deux moments. Et le deuxième moment, lorsque tu l'as fait en ayant quoi? En ayant des péchés. C'est quoi le moment lorsque tu l'as fait en ayant des récompenses? C'est à partir du moment où tu entends l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est Salat al-Asr. Ou bien, si on n'a pas l'adhan, c'est à partir du moment où notre ombre, naam, et maintenant, naam, est arrivé à notre longueur. Naam. Tayyib. Maintenant que c'est Salat al-Asr, j'ai entendu l'adhan qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le soleil, si je le regarde, je vais le trouver très clair. Blanc, masha'Allah. Il n'a pas encore jauni. Il n'a pas jauni, il est blanc. Donc, j'ai de maintenant... Depuis que j'ai entendu Adhan l'Asr, j'ai devant moi à peu près une heure et demie. Naam. Pendant tout ce temps-là, où je fais la salat, je la fais avec quoi? Je la fais avec des hasanats, avec des récompenses. Et plus je la rapproche du Adhan, et plus les hasanats sont beaucoup plus grandes. Plus je la rapproche du Adhan, plus les hasanats sont beaucoup plus grandes. Quand on a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les meilleures actions, il a dit que tu fasses la salat en son premier temps. Tayyib. Maintenant, une heure et demie après, ou bien deux heures, qu'est-ce qui va se passer? Le soleil commence à jaunir. Il n'est plus blanc. Il commence à jaunir. Ensuite, petit à petit, il va rougir. Il va rougir. Avant juste de quoi? Avant de se coucher. Quand tu vas faire la prière au moment où le soleil a jauni jusqu'à la période où il va rougir et se coucher, tu la feras avec des péchés. Pourquoi? Parce que naam, c'est pas son moment. Naam, son moment est sorti. Quel moment qui est sorti? Le premier moment où il fallait la faire avec les il fallait la faire et tu aurais des hasanat, tu l'as laissé passer. Maintenant, si on l'a fait dans ce moment, il faut vraiment qu'on soit excusé. Il faut vraiment qu'on soit excusé. Naam. Sinon, Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit quand il leur a parlé de ceux qui laissent la salat jusqu'à ce que le soleil rougisse ou bien jaunisse? Il a dit, c'est la salat des munafiqin, trois fois. C'est la salat des hypocrites, c'est la salat des hypocrites, c'est la salat des hypocrites. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Il a dit ensuite, en expliquant, il a dit, ils attendent, les hypocrites, ils attendent jusqu'à ce que le soleil rougisse, ensuite ils viennent vite, comme le corbeau, il picore la salat dans la prosternation, bien sûr. Pourquoi ils ont peur que le soleil se couche? Il picore, et il a dit, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il n'implore Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit que celui qui ne fait pas salat al-asr, c'est comme celui qui a perdu toute sa famille et tous ses biens. Hadith rapporté par le Bukhari. Subhanallah al-azim. Celui qui ne fait pas salat al-asr, il reste en face de la télévision, ou bien il reste dans le jardin en train de jouer avec ses enfants, ou là il reste dans un café jusqu'à ce que le soleil se couche. Celui-là, le messager d'Allah a dit, c'est comme si en revenant chez lui, on lui dit, toute ta famille est morte. Naam, ton père, ton grand-père, tes enfants, ton oncle, tout le monde est mort. Et tout ce que tu avais comme bien, naam, khalas, il y a eu un tremblement de terre, tout s'est enfui sous la terre. Tu n'as plus rien. Tu n'as que 1 euro dans la poche, au moins. Subhanallah. C'est quoi? C'est le fait de ne pas faire salat al-asr en son heure. Que Allah Azza wa Jalla nous aide pour qu'on la fasse en son heure et qu'on fasse toutes les salawat, inshallah ta'ala, en leur heure. Naam, en leur heure. Ensuite, naam, je vais vous citer maintenant, comme ça très vite, les versets qui prouvent que les croyants verront Allah Azza wa Jalla dans le jour de la résurrection. Naam. C'est dommage, je n'ai les versets qu'en arabe. Peut-être quelqu'un de temps en temps il les mettra en français. Le premier verset, Allah Ta'ala a dit, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Sourate Al-Qiyamah, وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ. Des visages ce jour-là resplendissants, yani regardant Allah Azza wa Jal. Des visages ce jour-là resplendissant, en train de regarder Allah Azza wa Jal. Vous remarquez que pourquoi qu'il a cité les visages, pourquoi il n'a pas dit des gens ce jour-là resplendissant, en train de regarder leur Seigneur? Ce jour-là il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prépare le deuxième verset qui va venir. Al-Ara'iki ينظرون المطففين 24. طيب, pourquoi il a cité ici les visages? Parce que le fait, disons la splendeur, où est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on remarque la splendeur dans les mains de quelqu'un? Est-ce qu'on voit les pieds regardant le visage de quelqu'un, qu'on sent, naam, s'il est content, s'il est par exemple en colère, s'il est chagriné, ou là s'il est mashallah joyeux? Ça, c'est pour ça que Allah Ta'ala a dit des visages resplendissants. Naam, des visages resplendissants. Et là, j'ouvre une parenthèse pour les Habèches. Pour les Habèches qui, lorsqu'ils disent dans le verset, « وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ » et restera le visage de ton Seigneur. Ils disent, naam, Allah Ta'ala n'a pas de visage. Allah Ta'ala n'a pas de visage. C'est le Seigneur qui restera, pas le visage. On dit, regardez ici, Allah Ta'ala dit, il y aura des visages resplendissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas le visage qui verra Allah, c'est la personne qui verra Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala a cité le visage pour montrer aussi qu'ils auront des visages, ces gens-là. Et ces gens-là, pour, naam, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. La même chose pour, restera le visage de ton Seigneur. C'est-à-dire, c'est Allah qui restera, mais c'est aussi que Allah Ta'ala a un visage. Naam, que Allah Ta'ala a un visage malgré que les Habesh n'acceptent pas cela. Allah Ta'ala a un visage malgré que les Habesh n'acceptent pas cela. Allah Ta'ala a un visage malgré que les Habesh n'acceptent de voir son visage. Voilà, je fais un doua contre eux, ikhlas. Non, un visage qui lui convient, Azzawajal, pas comme notre visage. Rien ne lui ressemble, Azzawajal. Al-Muhim. Tayyib, autre chose, non. Et vous avez remarqué que les visages qui verront Allah Azza wa Jal seront comment ? Seront resplendissants. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'il n'y a pas mieux que regarder Allah Ta'ala. Il n'y a pas mieux. Le paradis lui-même ne vaut pas grand-chose comparé à la vision d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que certains savants ont dit une chose qui est seulement une supposition, qui n'existera pas, mais ça ne fait rien, juste pour que vous compreniez les choses. Il a dit, les savants ont dit, si on supposait que Allah Ta'ala ferait rentrer une personne au paradis, si on supposait que Allah Ta'ala, par exemple, va rentrer un kafir dans le paradis, c'est impossible, bien sûr, car c'est lui qui a dit c'est impossible. Sinon, si Allah Ta'ala veut, il le fait rentrer, mais lui, il a dit c'est impossible. J'ai écrit sur moi que c'est impossible qu'il rentre au paradis. Al-Muhim. Ils ont dit, si quelqu'un rentrait au paradis, Allah Ta'ala va lui dire, je vais te faire rentrer au paradis, mais à condition que tu ne me vois pas. À condition que je te prive de ma vision. Les savants ont dit, il ne sentira pas qu'il est au paradis. Il sera très chagriné. Pourquoi ? La meilleure des choses dans le paradis, c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taïf, deuxième verset, Allah Ta'ala a dit, على الآرائك ينظرون على الآرائك ينظرون المطففين 24 المطففين 24. Ce verset veut dire à peu près, je vous traduis une traduction rapprochée, ça veut dire ils seront sur des fauteuils en train de regarder. Ils seront sur des fauteuils en train de regarder. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas montré qu'est-ce qu'ils regarderont, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir. Il n'a pas montré. Des fois, sur les divans, ils regardent. Jazakallahu khair. Sur les divans, ils regardent. Et prépare, inshallah ta'ala, le troisième verset qui va venir. Younes 26. Al-Muhim. Sur les divans, ils regardent. Pourquoi Allah ta'ala n'a pas dit qu'est-ce qu'ils regardent? Allah ta'ala, des fois, est importante. Elle est très importante au point où il veut pas la citer. Non, très importante et tellement belle, tellement cela qu'il la cite pas. Non, car c'est la plus grande surprise pour eux. C'est quoi ici sur les divans? Qu'est-ce qu'ils regardent? Quand tu es dans le paradis, tu es assis sur un divan, qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça sert que Allah Ta'ala dise que tu regardes si c'est quelque chose de simple? Tu regardes les arbres, tu regardes les fruits, ce que tu vas regarder, Inch'Allah Ta'ala. Sur les divans, tu regarderas et tu verras Allah Azza wa Jal. Naam. Troisième verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Younus 26, il a dit, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. À ceux qui agissent en bien, et réserver la meilleure récompense et même davantage. Jazakallahu khairan al-ghuraba. Ajoute, inshallah, le quatrième verset, surat Qaf. Qaf 35. Tayyib. Donc vous lisez avec moi le verset. À ceux qui agissent en bien, n'am, qu'a réservé Allah Azza wa Jal la meilleure récompense et même davantage. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a expliqué c'est quoi la meilleure récompense et c'est quoi l'avantage, bien le davantage. C'est quoi la meilleure récompense? Est-ce que vous connaissez une meilleure récompense mieux que le paradis pour ceux qui ont bien agi ici, hein? Et même davantage. Ça ne fait rien, inshallah ta'ala. Tu es pressé toi pour inshallah ta'ala pour entrer au paradis et voir Allah Azza wa Jal. C'est quoi l'avantage? Ce qu'il y a davantage, c'est la vision d'Allah Azza wa Jal. Non. Donc ils auront la meilleure chose réservée, c'est de rentrer au paradis, et ils auront une chose d'avantage, c'est quoi? C'est de regarder Allah Azza wa Jal. Ensuite le quatrième verset, Allah Ta'ala a dit dans le paradis, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. Subhanallah al-Azim, c'est très clair. Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront dans le paradis. Tout ce que tu veux dans le paradis, ça existe. Tout ce que tu veux. Naam. Même au point où on a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. On lui a dit, puisqu'on a tout ce qu'on veut. Et la femme, si elle voudrait plus d'un homme, si elle voudrait plus d'un homme, comme l'homme aura beaucoup de femmes. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, naam, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Il a dit, parce que Allah Ta'ala a dit qu'il y a tout ce qu'on veut. Pourvu que ça soit halal, c'est tout. Al-Muhim. Et auprès de nous, il y a davantage. Qu'est-ce qu'il y a davantage? Il y a davantage que tu vas voir Allah Azza wa Jal. Naam, c'est ça l'avantage. Et vous avez remarqué, il a dit auprès de nous. Et auprès de nous, il y a davantage. Allahu Akbar. Yani, voir Allah Azza wa Jal. C'est comme j'ai dit. Si tu rentrais au paradis, et Allah Ta'ala te dirait, voilà, tu as tout, mais tu ne me vois pas, peut-être que tu serais chagriné, même s'il n'y a pas de chagrin dans le paradis. Mais ne pas voir Allah Azza wa Jal, c'est justement très grave. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans un verset, en parlant des kuffars, il a dit Kalla, innahum an rabbihim yawma idin la mahjuboun. C'est dans Sourate Al-Mutaffifin aussi. Il a dit Kalla, innahum an rabbihim yawma idin la mahjuboun. Il a dit Oh que non. Mais les kuffars, ce jour-là, il y aura un voile entre eux et moi, un voile qui les empêchera de me voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par analogie contraire, ça veut dire que les croyants, il n'y aura pas de voile entre moi et eux qui les empêchera de me voir. Donc les croyants me verront. Subhanallah al-Azim. Donc les kuffars ne verront pas Allah Azza wa Jal. Il y aura un voile entre eux, entre lui et eux. Et les croyants, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal ôtera son voile pour qu'il le permette d'avoir le plus grand délice de leur vie, le plus grand délice qui puisse exister ici ou dans l'au-delà. C'est quoi? C'est de voir Allah Azza wa Jal. Un autre verset. Je crois que c'est le dernier. C'est le dernier verset où Allah Azza wa Jal ne le verront pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne quand on sait qu'on va voir Allah Azza wa Jal, ou bien si on ne le voyait pas? C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand tu as appris maintenant que Allah Azza wa Jal, on va le voir le jour de la résurrection, ou bien spécialement le jour où on sera dans le paradis. Contrairement aux Jahmites et aux Mu'tazilites, et que c'est le plus grand délice qu'on puisse imaginer, alors tu feras ton possible. Pourquoi? Pour être de ceux qui vont le voir. Vous avez remarqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que vous verrez votre Seigneur quand vous voyez la lune, quand elle est dans son plein quartier, qu'est-ce qu'il a dit directement après ça? Il a dit, alors si vous pouvez, ne ratez pas Salat Subh, ne ratez pas Salat Al-Asr. Donc, pour te montrer quoi? Que la vision d'Allah, ce n'est pas en dormant que tu vas arriver à exaucer ce grand souhait, mais en faisant des choses, entre autres, en adorant Allah Azza wa Jal, entre autres, en faisant la prière, entre autres, en faisant Salat al-Asr et Salat al-Subh. J'ai montré l'importance de Salat al-Subh et de Salat al-Asr. Donc maintenant que tu sais qu'Allah Ta'ala se fera voir le jour de la résurrection et que c'est le plus grand délice, tu feras tous tes efforts pour essayer d'être parmi les élus à qui Allah Ta'ala va ôter son voile pour qu'il le voit. Naam. Et alhamdoulillah, Al-Sunnah al-Jama'a atteste que toute personne qui rentrera au paradis verra Allah Azza wa Jal. Et atteste que les kuffars n'auront pas ce plaisir de le voir. Et Al-Sunnah atteste aussi que la vision d'Allah Azza wa Jal, naam, et je puis dire, attendez, si ça se dit, c'est proportionnel, c'est-à-dire que tout le monde qui naam, sûrement que les messagers et les prophètes qui sont ses élus le verront plus que nous, plus qu'un autre qui n'est pas un messager. Ensuite, sûrement que les compagnons le verront plus que les autres qui ne sont pas des compagnons, car vous connaissez la différence entre les compagnons et nous et les autres. Et sûrement que les quatre califes, Naam, bien guidés, sont mieux que les autres califes. Et sûrement que Abu Bakr Siddiq, c'est le meilleur de toutes les gens. Et comme ça, Naam, car vous avez remarqué, si on vous dit par exemple, quel est le dalil de cette chose? Quel est le dalil qu'il y a des gens qui le verront beaucoup plus que d'autres? Je vous donne un dalil très simple. Vous connaissez tous le hadith authentique. Le hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le dernier qui sortira de l'enfer et qui sera aussi le dernier à rentrer au paradis, hein, il a dit, c'est une personne qui sortira, yani, toute noire comme le charbon, hein, et qui restera comme ça devant la porte. Et ensuite le dialogue qu'il va y avoir entre cette personne et Allah Azza wa Jalla. Ce dialogue, je vous l'ai dit plusieurs fois. Non. Et comment à la fin, après avoir pris trois fois les engagements de ne rien demander à Allah Ta'ala, ni de lui demander de le faire entrer au paradis bien sûr, parce qu'il va lui demander de l'approcher seulement d'un arbre, ensuite de l'approcher de la porte du paradis, comme ça. Vous connaissez le hadith. Al-Muhim, à la fin, yani, il n'a pas tenu engagement, il a demandé à Allah Ta'ala de le faire entrer au paradis, et il est rentré. Al-Muhim. Maintenant, cette personne, quand elle est rentrée au paradis, c'est la dernière des croyants à sortir de l'enfer. Et ça a dit, à rentrer au paradis. Donc, c'était la personne qui a fait le plus de péchés parmi les croyants. Et Mohim, cette personne, quand elle va rentrer au paradis, d'autres, cela fait combien de temps qu'ils sont au paradis? Des centaines d'années, des milliers d'années. Allahu alam, combien? Et à être sorti. Non? Donc, pendant tout ce temps qu'il était en enfer, les autres, masha'Allah, voyez Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-là il était privé. Donc vous voyez que yani, le fait de voir Allah ta'ala et combien de fois on va le voir, etc., cela dépend, naam, de la piété bien sûr, et de yani, comment de la sincérité, de combien cette personne est proche d'Allah, combien cette personne est loin. Car vous savez que tous les croyants ne sont pas à pied d'égalité, hein. Tu prends Ali et Omar, qui sont des croyants, les deux font la salat, les deux sont dans la même mosquée, les deux sont dans le premier rang, les deux font la même salat, salat al-Isha, et chez Allah Ta'ala, la salat al-Isha de Ali, il lui donne par exemple 100 récompenses, salat al-Isha de Omar, il lui donne peut-être deux récompenses ou trois, peut-être 10, c'est tout, pas plus, peut-être 10 000, cela dépend de ce qu'il y a dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, naam? On peut donner 1 euro, naam, et mon voisin donne 100 euros, et j'ai plus de hasanat que lui. Allahu Akbar, naam, plus que lui. Moi, en donnant un euro, et c'est que je me suis dit que si j'en avais plus, j'aurais donné plus. Mais la râle, je ne travaille pas, etc. J'ai des difficultés. Et l'autre qui a donné 100 euros, il a donné en se disant dans le cœur, j'espère que les gens sont en train de me voir, j'espère qu'on parlera de moi, j'espère ceci, cela. Je lui dis, non seulement il n'aura pas beaucoup de hasanat, mais il aura des péchés aussi, il aura des péchés pour avoir fait l'ostentation. Naam. Alors là, Inch'Allah Ta'ala, j'arrête pour répondre à vos questions. Inch'Allah Ta'ala, là, quelques-unes de vos questions. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, l'Ali al-Qadir, de nous donner la sincérité, de nous aider, de nous guider, de nous apprendre le din, naam, de faire de nous de ceux qui le verront quand ils rentreront au paradis, et de faire de nous de ceux qui yani, auront yani, la grâce, naam, de s'offrir le plus grand délice qui est la vision d'Allah demain lorsqu'on le rencontrera. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونصحكم في 5 minutes ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميت الكورون جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسكو مونتوندي طيب الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. On continue, inshallah ta'ala, les questions-réponses. suite au Dars, naam, au 16e cours du deuxième tome de l'Aqidah al-Wasitiya, en cette soirée du lundi, naam, 4 Rajab, Ibn Azawajal, naam, pour être sûr, je regarde le calendrier, naam, jeudi cette soirée du 4 Rajab 1429, qui correspond au 7-2008, naam. Nous commençons, inshallah ta'ala, la série de questions-réponses. Tfadlal, inshallah ta'ala, le premier. Tfadlal, minhaj, salaf, pardon, Ibn Muhammad al-Maghribi. Naam, je demande à la sœur qui m'a demandé, qui m'a posé la question sur le fait de teinter des sourcils. Si elle est là, qu'elle se manifeste, inshallah, pour que je lui réponde. Tfadlal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, ya shaykh. Voici ma question, inshallah ta'ala. Il est connu dans les livres des salafs que le tawhid se divise en trois catégories. Mais dans certains livres de nos ulama, qu'Allah les préserve, amin, on y trouve une quatrième catégorie qui est tawhid al-mutaba'a. Pouvez-vous m'éclaircir sur cela par la grâce d'Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum ya Sheikh Mohamed Chalabi. Tfadal Sheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Al-Ghurab a écrit mon numéro 1. Si vous m'avez entendu parler de la sœur qui a posé la question sur les sourcils, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Naam. Alhamdoulilah. Je réponds au frère Ibn Muhammad al-Maghribi, naam, que la plupart des savants des salafs ont divisé le tawhid en trois sortes. Tawhid Rububiya, de la seigneurie, Tawhid al-Uluhiya, de la divinité, et Tawhid al-Asma al-Sifat, et Tawhid des noms et des attributs. Seulement, naam, après eux, d'autres ont ajouté un quatrième Tawhid. Et ceux qui ont ajouté un quatrième Tawhid se divisent en deux. Certains, ou bien beaucoup, naam, qui ont dit Tawhid al-Mutaba'a. Tawhid de quoi? De le fait de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième sorte qui a ajouté un autre tawhid, ils ont dit tawhid al-hakimiyya. Naam, tawhid al-hakimiyya, le tawhid, si je puis dire, de la gouvernance, c'est-à-dire du fait de n'être gouverné que par Allah azza wa jal. Naam. Ceux qui ont ajouté le tawhid du suivi sont de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Et ceux qui ont ajouté le tawhid de la gouvernance, ce sont de Al-Bid'a. Ce sont de Al-Bid'a qui est Takfiriyun, qui ont ajouté ce tawhid. Donc, ne parlons pas de Al-Bid'a. Parlons de Al-Sunnah. Al-Sunnah on dit le tawhid, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car certains musulmans, par exemple, il te dit, par exemple, tu dois suivre une des quatre écoles, par exemple, un des rites. Il te dit, par exemple, tu dois être malikite, tu dois être de Abu Hanifa, et comme ça, il te dit, c'est obligatoire. Si tu ne l'es pas, tu es dans le péché. Et à cela, on dit, ceci n'est pas vrai. Allah Ta'ala ne nous a dit de suivre que son prophète, alayhi salatu salam. Mais il nous a dit de demander aux savants quand on ne sait pas. Et il nous a dit de respecter les savants. Naam, de ne pas les insulter comme certains. C'est pour ça que, en ce qui concerne les savants, vous allez trouver des extrémistes, des extrêmes, ou bien les gens les suivent plus qu'ils ne suivent le messager d'Allah, ou bien alors carrément, ils les dénigrent et les insultent. Et Al-Sunnah ou Jama'a sont au milieu. Ils disent, les savants, naam, ce sont eux qui nous montrent, naam, quand on ne connaît pas la réponse et quand on est, naam, ignorant, etc. Mais celui qu'on doit suivre vraiment, naam, et dans tout et en tout, c'est seulement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hada, inshallah, jawabi. Tfadla, inshallah, le suivant. Manhaj salaf salih salaf, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Hayakumullah. Une personne demande: quelle est la croyance de Ahlul Sunnah wal Jama'a par rapport à l'Iman quant à ceux qui disent que l'Iman est makhluq, créé? Cheikh, deux personnes m'ont chargé de vous faire passer deux messages d'ordre privé, donc si vous voulez bien m'accorder quelques minutes à la fin des questions-réponses afin que je vous informe de cela. Jazakumullah khayran. Tfaddal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que mon micro fait toujours du bruit? Non, répondez-moi, inshallah, est-ce que mon micro fait toujours du bruit? Tayyib, je ne vois pas donc d'où cela provient. Il est loin, inshallah. Il est loin, mais je peux l'éloigner encore plus si vous voulez. Est-ce comme ça? Parce que je l'ai éloigné de moi. Alhamdulillah. Al-Muhim, que disent Ahlush? C'est pas une question d'éloignement, ça. Que disent Ahlul Sunnah ou Jama'a de l'Iman? Naam. À cette question a répondu Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre Majmou' al-Fatawa. Naam. Il a dit la réponse est de dire que l'Iman se divise en deux. Naam. Il y a des choses qui ont été créées en Iman et il y a des choses que c'est nous qui faisons. Il y a des choses qui ne sont pas créées et il y a des choses qui ont été créées, c'est nous qu'on fait. C'est nous qu'on fait. Naam. Il a dit, en parlant d'Iman, il y a des choses comme ça qu'on ressent dans le cœur, etc. Des choses, naam, qui c'est Allah Ta'ala qui les a créées. Et il y a des choses que c'est nous qui faisons, comme par exemple la salat, c'est nous qui la faisons, la zakat, c'est nous qui la faisons, quand on jeûne, c'est nous qui jeûnons, mais en même temps, ce qu'on fait nous a été créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est-à-dire que, na'am, c'est Allah Ta'ala qui a créé en nous la force de pouvoir jeûner, c'est lui qui t'a poussé à jeûner, c'est lui qui t'a aidé, na'am. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont créées et il y a des choses qui ne sont pas créées. C'est la réponse de Cheikh Islam rahimahullah, et il a donné plus de détails que cela, inshallah ta'ala. Naam. Est-ce que la sœur qui m'a posé la question sur le fait de teinter les sourcils, est-ce qu'elle est là? Sinon, même si elle n'est pas là, rappelez-moi de répondre au moins pour celle, pour les autres, inshallah ta'ala. Mais rappelez-moi, inshallah. Tafadhal le prochain, inshallah. La taïfa, c'est à vous, inshallah. Salamu alaykoum, Cheikh. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, également les frères et sœurs du salon et leurs proches. Excusez-moi, Cheikh, mais ma question n'a rien à voir avec le dars, masha'Allah, de ce soir. Puis-je quand même la poser? J'ai essayé de vous la poser plusieurs fois, mais je n'y suis pas parvenu. Elle est un peu urgente et importante. Tfadal, Cheikh. Naam, Mla Taïfa. Posez votre question, Inch'Allah. Inch'Allah, donc les personnes qui arrivent, préparez vos questions. Et comprenez bien, yani, que c'est exceptionnel pour cette personne, et Inch'Allah, donc c'est des questions par rapport au dars de ce soir et sur la aqida en général. Barakallahu fikoum. Une sœur m'a envoyé un lien où on vous entend répondre à une question sur le commerce. À ce que j'ai compris, c'est haram de vendre des choses sans être déclaré au niveau des lois du pays. Est-ce vrai? Est-ce bien cela que j'ai compris? En fait, j'avais répondu à cette question en disant quoi? En disant que ceux qui vendent se divisent en deux. Ceux qui vendent sans être commerçants, comme quelqu'un qui a un portable à vendre. Ce n'est pas parce qu'il veut faire du commerce, mais il veut s'en débarrasser, il veut le vendre et acheter un nouveau. Celui-là, il a un tricot à vendre. Ça, ce n'est pas interdit. Quant à celui qui vend, naam, qui achète et vend, ou bien fait des choses avec sa main et vend, celui-là c'est un commerçant. J'ai dit que celui-là, je vous donnerai très bientôt la réponse, inshallah ta'ala. Je n'ai pas encore donné la réponse. J'ai dit à mon avis que 99%, que d'après ce que je sais, que ce n'est pas permis. Mais que je voudrais, inshallah ta'ala, avoir une conversation, une confirmation, et je vous répondrai, inshallah ta'ala. Tfadal suivant. C'est de l'IA, ça à vous, Inch'Allah. Tapez un si la question est terminée. Salam alaykoum. Une sœur dut faire des œuvres pieuses, comme prier la nuit, etc. Malgré cela, elle persiste dans des péchés dont elle a connaissance, comme mariage mixte, écouter de la musique, sortir maquillée, mettre un voile qui couvre pas la aura. On m'entend pas ? Akhel Waraba, t'es sûr que c'est pas plutôt tes baffes, il y a un nez qui font du bruit. Car Cheikh, t'as dit qu'on entendait du bruit, à moi, tu dis qu'on entend du bruit. Khen, Inch'Allah, c'est peut-être toi, Allahu A'lam. Donc je continue, Yanné. Comme mariage mixte, écouter de la musique, sortir maquillé, mettre un voile qui couvre pas donc la aura. Comment une personne qui commet des œuvres pieuses peut-elle continuer dans les péchés ? Urtukum me dit qu'elle peut prendre la réponse pour la... Pour la quoi, Chedlia ? Pour la sœur, par rapport au fait de teindre les sourcils. Donc chérie, Anne répondait à la question de Chedlia et en plus à la question donc par rapport aux sourcils. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non, je commence par la sœur qui a posé la question en ce qui concerne celle qu'on vient d'entendre maintenant. Non, comment une sœur dit faire des heures pieuses, comme prier la nuit, etc. Malgré cela, elle persiste dans des péchés dont elle a connaissance, comme mariage mixte, écouter de la musique, sortir maquillé, mettre un voile qui couvre pas l'aura. Comment une personne qui commet des œuvres pieuses peut-elle continuer dans le péché? Non. Tayyib, la réponse, Inch'Allah Ta'ala, elle m'a dit qu'elle était sûre que la salat, que sa salat est acceptée tellement elle est concentrée. Non. Je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle ne doit pas dire « Je suis sûr que ma salat est acceptée, sinon elle va avoir des péchés. » Parce que Allah Ta'ala a dit « La tuzakku anfusakum » Allah a dit « Ne vous donnez pas de tizkiyah à vous-même. » Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran « Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Il a dit « Allah Ta'ala qui va jusqu'à de nos jours au mariage mixte et ne couvre pas bien sa aura » et sort parfumée ou bien maquillée n'est pas une femme pieuse. Elle est pieuse seulement dans sa salat. Quand elle fait la salat, elle se couvre bien, elle a de la concentration, elle est pieuse dans la salat. Naam. Mais se maquillant et en sortant parfumée, en allant où il y a la mixité et assister, naam, elle n'est pas pieuse. Mieux encore, elle fait de grands péchés. Elle fait de grands péchés. Donc pour répondre très vite, comment se fait-il qu'elle fasse la prière de la nuit, etc. Elle dit que pour les pieux, je dis que cette personne, naam, halawat al-iman, la douceur de la foi et la saveur de la foi n'est pas encore bien descendue sur son cœur. Naam, car quand vraiment on aime Allah Azza wa Jal et quand on a vraiment le cœur rempli de foi, naam, on n'accepte pas, naam, de faire de grands péchés. Si on les fait, on les fait par ignorance. On ne savait pas. Mais maintenant qu'on sait, naam, on laisse ces choses et on ne les fait pas. Et naam, ce que font les gens, naam, c'est ça le délil. Est-ce qu'ils obéissent à Allah ou pas? Ce n'est pas le cœur. On ne dit pas Allah, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Mais on dit, on regarde aussi notre comportement. C'est notre comportement qui montre est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on est pieux ou pas. Donc, il faudrait que cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, fasse le repentir de lui ouvrir son cœur et de lui faire descendre de la piété dans le cœur pour qu'elle s'éloigne de ces choses. Wallahu ta'ala alam. En ce qui concerne le fait de teinter les sourcils, naam, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, pour lui faire écouter ma réponse. En ce qui concerne le fait de se teinter les sourcils avec une couleur ou une teinte, une teinture, naam. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yirhamou rahimahullah, naam, c'est que c'était permis de faire cela. Si vous vous rappelez la fois passée, j'avais dit que c'était permis à condition qu'elle ne ressemble pas au kafirat avec sa niya. Elle ne met pas dans son cœur qu'elle fait ça pour ressembler au kafirat, mais elle fait ça juste pour, par exemple, plaire à son mari ou bien plaire à ses amis, comme ça. J'ajouterai ici deux choses. Naam, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, a permis même à la femme d'amincir ses sourcils, d'amincir ses sourcils, si c'est avec de la teinture, à condition que ça soit pas un épilement. C'est-à-dire, elle va teinter, l'essentiel c'est de ne pas les épiler. J'ajouterai une deuxième chose, c'est qu'elle ne doit pas ressembler au kafir dans sa niya. Et troisièmement, j'ajouterai une chose, que même si cette chose est permise, il ne faudrait jamais qu'elle le fasse, qu'elle la fasse le jour de la muqabala, car elle va induire en erreur celui qui va la voir. Mais elle doit se laisser naturelle le jour de la muqabala. Naam. Fadlan inshallah ta'ala le prochain. Naam, cher, je ne sais pas si vous aviez fini. On n'avait plus de son. Non, rien. Oum Souleymane, est-ce que vous êtes là? Posez votre question, inshallah. Naam, on a entendu, cher, pour la muqabala. Yani qu'elle reste naturelle, afin que la personne puisse voir comment elle est au niveau des sourcils, etc. Tapez un lorsque la question est terminée. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, Barakallahu Fikoum. Donc, je vais répéter, Inch'Allah, que les questions c'est sur la Aqida en général et sur le cours de ce soir. Yanni, tout à l'heure, on a fait passer une question, c'était exceptionnel. Barakallahu Fikoum de votre compréhension. Donc, Inch'Allah, on répète. Yanni, donc, cher, je lis quand même la question. Mais Yanni, pour les personnes, Inch'Allah, qui ont la main levée, Yanni, s'ils ont encore donc une question hors sujet, Barakallahu Fikoum, Yanni, on ne va pas y répondre. Parce que cher, Yanni, il organise son temps, Yanni, pour justement prévoir des journées pour des questions libres et des questions sur le fiqh et également. Donc Yanni, aujourd'hui, c'est juste sur la Aqida et le cours de ce soir. Donc Yanni, on ne vous demande pas grand chose, juste de respecter donc les créneaux pour les questions sur le fiqh, la Aqida et les questions en général. Barakallahu Fikoum. Salam alaikum. Ma question concerne une question qui a été posée il y a quelques jours et auquel vous avez répondu. Une sœur a demandé concernant les frères ou sœurs qui font du commerce sans être déclarés et que les gens qui se déclaraient étaient pénalisés par rapport à ceux qui ne se déclaraient pas. Vous avez donc répondu cela selon la question que faire une activité sans être déclaré était illicite. Moi je suis couturière de djilbab. Et peut-être qu'avec plus de précision, la situation ne serait pas la même. Je m'explique. On sait qu'en islam, il n'est pas permis de prélever des impôts sur les biens des gens injustement, comme vous nous l'avez déjà rappelé dans un de vos cours. Or en France, l'État ne fait pas que ça. Et que également, pour déclarer une activité, nous payons des cotisations dont le montant n'est pas négligeable. Pour la première année, elle est de 678 euros l'année et 2014 pour la deuxième année, plus d'autres impôts dont je n'ai pas eu le temps de me renseigner pour les montants. Est-ce qu'il devient quand même wajib pour nous de déclarer notre activité même si on contribue à ce que cet impôt nous soit imposé? Barakallahu fikoum. Sans parler qu'il y a également un stage obligatoire avec la chambre des métiers à effectuer. Afwan Muslim, alhamdoulillah, jazakallahu khairan. C'est pas de mes habitudes de couper quelqu'un, mais c'est juste pour dire à cette sœur que subhanallah, ça fait juste 10 minutes je viens de répondre à la question. Ça fait juste 10 minutes je viens de dire que naam, ça se divise en deux, ceux qui vendent comme ça des choses personnelles et ceux qui font ça comme métier, et que pour ceux qui font ça comme métier, qu'ils devaient attendre inchallah ta'ala un peu et je leur rendrai la réponse officielle lorsque je demanderai aux savants. Non, cela fait juste 5 minutes, je viens de le dire, Inch'Allah Ta'ala. Non, c'est pour ça que je n'ai pas laissé Muslim continuer pour que yani, le temps, Inch'Allah Ta'ala, on le perde pas. Non, pour les détails, Jazakillahu Khairan. Non, les détails, je les ai bien compris, Inch'Allah. Et ça va m'aider, Inch'Allah Ta'ala, aussi à comprendre et à bien poser la question, Inch'Allah. Non, Jazakillahu Khairan. Non, donc je le répète, Inch'Allah, donc avant de continuer, donc Salif 083, ça vous de poser la question, Inch'Allah. Donc les questions qui sont hors sujet, Barakallahu Fikoum, on les lira même pas. Et c'est une règle pour tout le monde. Et donc on vous demande juste de respecter cette règle. Jazakumullah khayran. Salif 083, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Abdallah, je vous ai enlevé le rêve. Inch'Allah, poser votre question. Salam alaikum, cher. Désolé, j'ai pas pu suivre tout le dars. J'étais à la salat. Y a-t-il un moment précis où l'on verra Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que tous les croyants le verront? Et s'ils ne le voient pas, est-ce que c'est définitif? Jazakallahu khayran. Tfadal, cher. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai dit que, inshallah ta'ala, tous ceux qui entreront au paradis verront Allah Azza wa Jal. Naam. Tous les croyants qui rentreront au paradis verront Allah Azza wa Jal. Et s'ils ne le voient pas, c'est définitif. Tout le monde le verra. Naam. J'ai dit tout à l'heure que cela dépend des Azza wa Jal. Naam. Comme je demande aussi à ceux qui ont la main levée que si leur question n'est pas dans la aqida, si ce n'est pas ni dans le dars ni dans la aqida en général, il vaut mieux inshallah ta'ala qu'ils baissent la main et laissent la place aux autres inshallah ta'ala, aux autres, et vous inshallah ta'ala je vous répondrai dans les autres cours qui ne sont pas aqida. Naam. Et vous laissez la place à ceux qui ont une question dans la aqida inshallah ta'ala. Naam. Tfadval. Naam, donc inshallah on revient sur la question de Salif. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai lu dans un livre que quand Allah Azza wa Jal créa le soleil et la lune, elles avaient alors le même éclat. Allah ordonna à Jibril alayhi salam de frotter de son aile la lune qui alors perdit de son éclat. Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à ce sujet. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne connais pas ce hadith. Naam, et je n'en ai jamais entendu parler, ni je l'ai lu dans ma vie. Naam, je sais que le soleil et la lune, Allah Ta'ala, le jour du jugement dernier, il va les jeter en enfer. Ça, je le sais. Pour montrer aux gens qui les adoraient que s'ils étaient vraiment de dire sur le hadith où Jibril, avec son aile, a frotté la lune, naam, ou bien le soleil, ce hadith, je ne le connais pas. Naam. Minhajul Haq, c'est à vous. Tapez un lorsque la question est terminée, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah, Cheikh. Tout d'abord, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite votre retour prochain auprès des vôtres. Amin. Une sœur demande : est-ce qu'une personne non douée de raison, entre parenthèses mongole, trisomie, etc., sera jugée si elle est morte non musulmane à l'âge de 21 ans ? Parenthèse, les parents étaient mécréants, cette personne est donc pas musulmane. Si cette personne rentre au paradis, est-ce qu'elle fera partie des servants des gens du paradis? Et aussi, est-ce qu'elle sera aussi non douée de raison? J'espère que la question a été bien formulée. Barakallahu fikoum ya cheikh, et qu'Allah le Tout-Puissant nous facilite l'entrée dans son paradis. Allahumma amin. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Non. Donc ici, ça part de deux choses à la fois, si vous avez remarqué. Ça part d'une personne qui est non douée, et ça parle aussi de l'enfant des kofars. L'enfant des kofars. Non. Nous, quand on a parlé des enfants des kofars, si vous vous rappelez, qui se trouve aussi dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les enfants des kuffars seront les serviteurs des gens du paradis yom al-qiyam. Mais en parlant des enfants des kuffars, il voulait dire ceux qui sont morts avant la puberté. Ceux qui sont morts avant la puberté. Ici, elle dit que cette fille-là avait 21 ans. Donc elle ne rentre pas dans ce hadith. Elle ne se rentre pas dans ce hadith. Mais elle dit qu'elle n'était pas douée de raison. Alors là, il y a le deuxième hadith. Hadith authentique aussi. Par Sheikh Al-Bani, rahmatullah, alayh, naam, dans Sahih al-Jami' et aussi d'autres livres, que le messager d'Allah a dit que quatre personnes, naam, essayeront de s'excuser le jour de la résurrection. Il a cité entre eux une personne qui ne sera pas douée de raison. Cette personne dira Ya Allah, naam, l'islam est venu et je n'ai rien compris. Si je puis dire, il a dit, cette personne dira aussi, au point que les enfants me frappaient dans la rue avec les restes d'animaux. Vous voyez, le, par exemple, le mouton, etc. Vous avez remarqué que ces restes, c'est comme des billes, ces excréments, c'est comme des billes. Cette personne dira, les enfants me frappaient dans la rue avec, comme ça, comme les billes des animaux. Et Allah Ta'ala, il va les tester le jour du jugement dernier. Il va leur envoyer un messager et voir s'ils vont croire ou pas. Ceux qui vont suivre le messager iront au paradis, ceux qui vont lui désobéir iront en enfer. Et ce messager, quand il viendra, il leur demandera d'aller en enfer pour voir s'ils le suivent ou pas. Et c'est un hadith authentique. Deuxièmement, troisièmement, je dirais que cette personne, quand elle sera testée le jour du jugement dernier, quand elle sera testée le jour du jugement dernier, si elle réussit dans le test et Allah Ta'ala va la faire rentrer au paradis, elle aura la raison. Elle aura sa raison, raison. Elle l'aura avant la rentrée dans le, du paradis et après qu'elle rentre au paradis. Elle lui rendra toute sa raison et lui fera passer le test. C'est comme ça. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Walhamdulillah d'abord. Walhamdulillah. Naam. Tfaddal inshallah le suivant. Naam. Par contre, j'informe les frères et sœurs que la room approche donc les 250. Et donc, Minhajul Haq, je ne sais pas si vous pouvez rediffuser en parallèle sur votre room. Question-réponse, inshallah, comme ça, les personnes qui ne peuvent pas rentrer sur la room de Shir, ils peuvent suivre sur votre room, inshallah. Donc je ne sais pas si vous pouvez le faire. Oum Ibrahim, c'est à vous, Inch'Allah. Oum Ibrahim, est-ce que vous êtes là? Nordin, Inch'Allah, c'est à vous. Je vous enlève le raid. Salam alaykoum, je voulais juste vous remercier, Cheikh, pour ce que vous faites pour nous, qu'Allah vous facilite pour toutes vos œuvres. Pourrais-je avoir les coordonnées de votre femme? Jazakumallahu khayran, barakallahu fikoum. Donc c'est Oum Ibrahim, si elle est trop longue, Inch'Allah, posez la question. Donc, et je vous ouvre le prévu, Inch'Allah, parce que les frères, il n'y a personne qui peut l'ouvrir, je vous l'ouvre, Inch'Allah. Donc elle roule là-bas, alhamdulillah. Tfadal Cheikh par rapport à Nordin. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakallahu khayran, toi aussi. Naam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité. Naam. Ensuite il dit, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de votre femme? Jazakallahu khayran. Naam. J'attends Inch'Allah Ta'ala ta réponse. Vous m'entendez, le roi rabbin? Ah, d'accord. Naam. Je vais te donner son email, Inch'Allah Ta'ala. Qu'est-ce que tu veux, son email? Ou bien son pseudo sur le palto? Qu'est-ce que tu veux, son email ou son pseudo? Réponds-moi, Inch'Allah. Taïb, on passe au suivant, Inch'Allah. Tfadal, prends le micro. Naam, le roi rabbin, tfadal, Inch'Allah. Naam, donc ta question, Inch'Allah, donc on la posera pas. Parce qu'elle n'est pas avec le cours d'aujourd'hui et pas sur la aqidah en général. Donc Inch'Allah, on passe à Mohamed Ibn Idris. Mohamed, c'est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur de Mohamed Ibn Idris. Quel programme me conseillez-vous pour apprendre le tawhid? Par quoi commencer? Jazakumullahu khayran. Et pourriez-vous, Cheikh, m'accorder un PV? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh maghfiratuh. Naam, on se concerne le tawhid. Naam, le tawhid, on commence par les livres simples. Naam, les livres de comme les trois fondements. Naam, il y a aussi les quatre fondements. Il y a un autre livre qui s'appelle les six fondements. Naam, on commence par des livres simples. Les livres simples, naam, qui existent chez vous en France. Et rappelez-moi la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai une liste. J'ai une liste, Inch'Allah Ta'ala, avec moi, que je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois. Bi'idhnillah Azza wa Jal, où il y a quoi? Où il y a tous les livres, Inch'Allah Ta'ala, les plus importants. Naam. Et quant au PV, Inch'Allah Azza wa Jal. Et je m'excuse de ne pas répondre à ceux qui m'ont demandé le PV, inshallah ta'ala, aujourd'hui. Naam. Barakallahu fikoum pour la compréhension. Tafadla, inshallah, le suivant. Par contre, cher Yanni, il y a une petite remarque par rapport à la réponse que vous avez donnée pour les sourcils. Yanni, salam alaykoum, akhi al-habib, tu peux dire au cher de réexpliquer concernant les sourcils, car il se peut que beaucoup de monde n'ont pas bien compris, vu qu'il y a un hadith authentique qui dit que celle qui enlève ou touche ses sourcils, les poils du visage, et celle qui taille ses dents sont maudites. Barakallahu fik, peux-tu demander au shir de mieux détailler, car il se peut qu'il y ait des gens qui ont donc des ambiguïtés. Tafadhal shir. En fait, je ne pense pas qu'il y ait des ambiguïtés, car la question était très claire et sa réponse très claire. On parlait de teinter avec une couleur les sourcils et non pas épiler. Je l'ai dit deux ou trois fois dans ce dars aujourd'hui. J'ai dit ce n'est pas épiler. Épiler, ça rentre dans les grands. Lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, Allah rahmou, que c'était permis. Moi j'ajoute, faut pas que ça soit avec la niya de ressembler au kafirat. Quant à les tailler ou bien les épiler, tout ça, ça rentre dans les grands péchés. Naam. Mais ça ne fait rien, il a raison ce frère. C'est bien pour enlever tout doute. Naam, c'est bien. Tfadlal. Naam, cher, c'est pour ça que je me suis permis, Inch'Allah, quand même de mettre yani, cette remarque. Musulman, est-ce que vous êtes là? Yani, posez votre question, Inch'Allah. Donc j'ai la question de Bent Abdullah. Salamu alaykoum, ya shir. Pouvez-vous réexpliquer la différence entre l'omniprésence générale d'Allah et l'omniprésence particulière? Je n'ai pas très bien compris. Barakallahu fikoum pour les efforts que vous faites pour nous. Qu'Allah vous accorde patience et endurance face à l'épreuve et vous fasse mourir en totale soumission à lui. Allahumma amin. Tfadhal shir. Naam. Wa alaykoum salam. Wa barakatou maghfiratou. Je crois que la personne qui demande cette explication n'a pas assisté des cours où j'avais parlé de ça avec beaucoup plus de détails. Il y avait même un cours ou deux cours spécialement pour cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui je ne suis pas rentré dans les détails, et c'est pour cela aussi que ce frère ou cette sœur n'a pas bien compris. Donc je dis l'omniprésence d'Allah Azza wa Jal se divise en deux. Allah Ta'ala est avec toutes ses créatures. En ce qui concerne quoi? En ce qui concerne la science, il sait ce qu'ils sont en train de faire. Il les voit, il les entend, il remarque ce qu'ils font. Tout ça. Il écrit même ce qu'ils font. Non, c'est des anges qui écrivent, mais c'est lui qui donne les ordres. Ça s'appelle l'omniprésence générale. De ce monde n'échappe pas Allah Azza wa Jal. Rien. La feuille, quand elle tombe, et avant de tomber, Allah Ta'ala sait qu'elle va tomber. Donc ça s'appelle l'omniprésence générale. Mais j'ai parlé deuxièmement de l'omniprésence particulière. C'est-à-dire que dans toutes ces créatures, il y a certaines créatures avec lesquelles Allah Ta'ala est. Qu'est-ce que ça veut dire est? Ça veut dire il les aide, il les soutient, il les renforce. Je donne un exemple. Lorsque notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte, lui et Abu Bakr, hein, et quand Abu Bakr a eu peur que les kuffars les voient dans la grotte, qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit ma balu itnain Allahu salituhuma, que penses-tu de deux? Et le troisième c'est Allah. Il lui a dit, et le Coran a dit, il yaqulu li sahibihi la tahzan, lorsqu'il a dit à son ami, à son compagnon, la tahzan, ne te chagrine pas, Allah est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Allah est avec nous? Allah est avec tout le monde, mais est avec nous, ça veut dire avec son assistance, avec son soutien, avec son, il va nous faire triompher sur les kuffars. Ça s'appelle l'omniprésence particulière. Allah Ta'ala est avec certaines personnes qui sont pieuses, qui sont sincères, qui lui demandent de l'aide, qui adou, Allah Ta'ala est avec eux avec une omniprésence particulière. C'est-à-dire, à part qu'il sait ce qu'ils font, etc., mais il y a un ajout qui est quoi? Qui est le fait qu'il les aide et qu'il les soutienne, etc. Est-ce que musulman a compris? Alhamdulillah. Bint Abdullah, alhamdulillah. Alhamdulillah que Bint Abdullah a compris. Alhamdulillah que que X du Koweït lui a fait comprendre. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tfadlan, inshallah ta'ala, le prochain. Akhir ghuraba tab 1 lorsque la question est terminée, inshallah. Barakallahu fik. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que cette question a un rapport avec la Aqida, donc je me permets de la poser. Ma mère est convertie, sa mère ne l'était pas et elle est morte. Est-ce que la place de ma grand-mère sera en enfer, sachant qu'on ne lui avait jamais fait la da'wa et qu'elle ne savait pratiquement pas ce qu'était l'islam, la Aqida, etc. Entre parenthèses, du moins à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des hadiths à ce sujet ou pas ? Je voudrais aussi savoir comment fait-on pour vous poser des questions en privé. Est-ce que c'est possible ? Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. D'abord, je réponds en musulman lorsqu'il a dit pour la question privée, c'est simplement pour savoir comment faire pour la prochaine fois, inshallah ta'ala. Là, pour lui dire que j'ai pas compris ce qu'il veut dire par là. Al-Muhim, je réponds à la personne qui a parlé de sa mère qui est convertie, alhamdoulilah. Ensuite, a parlé de sa grand-mère qui est morte, naam, sachant qu'on ne lui avait jamais fait la dawa et qu'elle ne savait pratiquement pas ce qu'est l'islam, la aqida, du moins à ma connaissance. Naam. Pour nous, on dit qu'une personne qui est morte sans attester qu'il y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal, et sans attester que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui, son messager, son dernier, est une personne qui est morte kafira, naam, et qui sera en enfer. Nous on dit comme ça, naam, et on doit dire comme ça. Reste le jour du jugement dernier, est-ce qu'elle est excusée ou pas, cette chose revient à Allah subhanahu wa ta'ala, naam, car le hadith authentique qui dit que toute personne juive ou chrétienne qui entendra de moi et qui ne yani, entendra de moi en vérité que je suis le messager d'Allah, que j'ai un bon comportement, que je suis yani, le meilleur des gens et comme ça, et non pas entendra de moi que comme est un terroriste, le messager d'Allah aime les femmes, le messager d'Allah et ceci cela, naam, Allah ta'ala, naam, est maudit pour avoir dit cette chose. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, cette chose, inshallah ta'ala, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui sait, est-ce que cette personne hein, a entendu, etc., et n'a pas voulu suivre, ou bien n'a rien entendu. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadlan, inshallah ta'ala, le suivant. Naam, et le frère, en fait, cheikh, il voulait tout simplement savoir yani, comment on fait pour avoir un rendez-vous en privé. S'il a une question privée à vous poser, c'est ce qu'il voulait savoir. Après, je passe à la question. Assalamu alaikum à tous. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que la aqida de Abu Hanifa était correcte? Et donc, qu'en est-il des Hanafis aujourd'hui au niveau de leurs croyances et de leurs pratiques? Car mon souci est qu'ils ne respectent pas les horaires du Fajr et du Asr dans les mosquées. Le Fajr se finit 20 minutes avant Shuru. Et le Asr se prie 1h30 après son heure. Peut-on prier ses prières avec eux? Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam. Je n'ai pas compris, naam, où sont ces hanifites, ces hanafis aussi, dont est en train de parler la personne. Naam. Est-ce qu'il y a des mosquées où, par exemple en France, ils disent c'est la mosquée yani, où il y a les gens hanafis qui font la prière et comme ça? En Angleterre, c'est-à-dire, il y a si je comprends bien, il y a des mosquées, naam, où ils disent, nous, on est Hanafi, c'est ça? Naam. Est-ce que c'est ça, Inch'Allah? Naam, j'ai compris. Ce sont des Pakistanais, des Bengalis, etc., des Indiens, naam. Il faudrait que tu saches que ceux-là sont en général vraiment loin de la Sunna. Naam, les Pakistanais, les Bengalis, etc., hein, mais nos frères, ça, ce sont des frères. Mais ce sont des gens qui, en général, sont très loin de la Sunna. Et que, ils sont ici avec moi aussi dans ma mosquée, ils sont là. Et que, ils te disent, l'imam Abu Hanifa a dit. Pourquoi l'imam Abu Hanifa n'a pas dit ceci, n'a pas dit cela? Naam. Donc, le plus vrai, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? c'est de suivre le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des grands savants, des salaf salah. Et pour terminer, je dirais que quant aux horaires, je ne sais pas exactement c'est quand la prière chez vous. C'est pour ça que je ne peux pas prendre un jugement. Je ne sais pas exactement est-ce que le fait qu'il retarde un peu, qu'il avance un peu, ils ne font pas d'innovation dans la salat. Naam. Est-ce que tu es très sûr qu'ils ne font pas d'innovation dans la salat? Naam. Est-ce que tu es très sûr qu'il ne faut pas... Mais ce n'est pas un... Naam. Abdelhaq, dis-moi, où est-ce qu'ils mettent leurs mains quand ils font la prière? Ils mettent la main droite sur la main gauche. À quel niveau du corps ils mettent les mains? Naam. Où est-ce qu'ils mettent les mains? Sur la poitrine, ou bien sur le nombril, ou bien plus bas? Naam. Voilà, ça c'est une bida. Ça c'est une bida. Parce que toi tu as dit tu as dit que il faisait pas de bida dans la salat. Naam. Ceux-là, ils mettent leurs mains vraiment sous le nombril, alors que la sunna c'est de mettre la main sur la poitrine, sur la poitrine. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Naam. Ce sont des gens qui suivent beaucoup le Abu Hanifa et qui laissent les hadiths sahih et comme ça. Naam. Allah Azza wa Jal les guide et nous guide tous. Naam. Tfadla inshallah ta'ala le prochain. Naam, il est 23h en France et minuit au Koweït, chez Cheikh. Donc, Urtukum, mais je ne sais pas, devant le livre, etc., je ne sais pas où il est passé. Il y a 2 secondes, il était là. Khair inshallah. Urtukum, c'est à vous inshallah. Posez votre question. Ah oui, le frère est là. En tout cas, il y a un. Pour l'instant, la règle est claire. Allez, on ne pose pas la question hors sujet. On l'a répété. Et même Cheikh a dit que s'il y avait des personnes qui avaient la main levée et qui savaient que leur question était hors sujet, barakallahu fikoum de baisser la main. Inch'Allah, je passe à la question de Urtukum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Si une personne nous a fait du mal et qu'on lui a pardonné, Allah punira-t-il cette personne, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, malgré le pardon qu'on lui aura accordé? Jazakallahu khayran, Cheikh. Entre parenthèses, la sœur vous remercie pour votre réponse sur la teinte des sourcils, et je voulais préciser si la teinture en noir des sourcils était permise, car il me semble que pour les cheveux, cette couleur n'est pas permise. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la teinture, naam, comme ce n'est pas permis sur la tête, ce n'est pas permis sur les sourcils. La même chose, la couleur noire n'est pas permise ni sur la tête ni sur les sourcils, mais il n'a pas. Ensuite, il y a autre chose, c'était quoi? Naam. Quand une personne nous fait du mal ici et qu'on lui pardonne, naam, Allah Azzawajal lui pardonnera parce qu'on lui a pardonné, car c'est quelque chose qui a rapport avec nous. Naam. Mais si c'est une personne qui fait un péché entre elle et Allah, elle boit l'alcool, etc., ça devient entre elle et Allah. Mais si c'est entre elle et moi, elle a parlé de moi, etc., naam, si je lui pardonne, Allah ta'ala lui pardonne. D'ailleurs, même certains ont dit, par exemple, que quand une personne vole, certains ont dit, il faudrait que celui qui est volé, celui à qui on a volé, naam, demande, naam, naam, qu'on lui coupe la main, sinon on ne lui coupe pas. Naam. Pourquoi? Parce que la chose c'est entre la personne et une autre personne. Naam. Wallah Azza wa Jal a'lam. Pose inshallah ta'ala la dernière question. Assalamu alaikum. Que disent les savants sur l'interprétation de Ibn Abbas radiallahu anhu sur la sifat saq? Jazakallahu khayran. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Certains savants ont dit que ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu était faible dans le sened, était faible en ce qui concerne la retransmission des rapporteurs. Naam. Et d'autres ont dit hein, même si c'était pas faible, à supposer que ce qu'il a dit, yani, c'est vraiment lui qui l'a dit et que c'était juste, ils ont dit, hein, ça rentre pas en contradiction que le jour où Allah Ta'ala va montrer son cercle, hein, son tibia, que ce sera un jour vraiment difficile. Car Ibn Abbas a dit que c'est un jour vraiment difficile. Donc même si on dit que c'est vrai, on dit qu'ils ont montré que Allah Ta'ala avait un cercle, hein, on va ajouter celui de Ibn Abbas, que comme quoi, et ce sera ce jour-là un jour vraiment difficile pour les kuffars, hein, et surtout pour tout le monde, et surtout pour les kuffars et ceux qui n'ont pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, laissez-moi me rappeler le hadith du cercle, où le messager d'Allah avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il viendra, et il demandera aux croyants pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres, et il va l'azul découvrir son tibia, et tous bi'idna ta'ala vont se prosterner, sauf bien sûr ceux qui ici étaient kofar ou bien ne faisaient pas la prière. Et comme ça, l'azul nous aide, il nous guide, il nous apprend son din bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sur ce, je dois vous laisser bi'idna azawajal, pour vous donner rendez-vous mercredi inshallah ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous aide et nous donne la sincérité, nous préserve des fitnas, nous préserve de tout mal, nous guérisse, et qu'Allah azza wa jal yarham amwatana wa yashfi mardana wa yuwaffiqana lima fihi khayru ukhrana wa dunyana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.